Nous accueillons Bruno de Bayonne qui va nous parler santé mentale. Bonjour Bruno. Bonjour Alain. Alors, tu voulais partager avec les auditeurs de Radio Côte Basque tes connaissances, ton ressenti, ton vécu sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que tu m'as l'air tout à fait normal. Ah oui, ouais, complètement normal, je confirme. Merci d'abord à Radio Côte Basque de me recevoir et c'est toujours un plaisir de pouvoir témoigner, de pouvoir partager un petit peu les connaissances qu'on peut avoir sur l'accompagnement et sur la santé mentale dans différents types de milieux. Moi, j'ai été longtemps à la tête de gros établissements et j'ai toujours pris soin de la santé mentale de mes salariés. On se rend compte qu'aujourd'hui, que ce soit dans le sport, dans le milieu du handicap, dans le milieu de l'entreprise, la santé mentale, c'est tellement important pour que les gens puissent continuer à avancer et continuer à être bien dans leur pompe et se faire plaisir au boulot ou dans leur sport ou les jeunes dans le milieu du handicap. C'est tellement, tellement essentiel, quoi. C'est vraiment important. Et c'est un sujet que tu as abordé il y a longtemps, ça fait quelques années. Comment ça t'est venu ? Ah, ça m'est venu par des rencontres. J'ai été directeur d'un club de rugby professionnel et j'ai eu l'occasion d'approcher des jeunes, c'est il y a des années, des jeunes sportifs et qui, à l'époque, ne prenaient pas en compte, on ne prenait pas en compte la santé mentale et le bien-être mental des sportifs. Ils étaient là pour scorer sur le terrain, mais malheureusement, il n'y avait pas encore cette étape qui a été franchie aujourd'hui par bon nombre de clubs pour les accompagner dans cet accompagnement psychologique et mental. D'accord. C'était ici, localement ou... Oui, c'était à Mont-de-Marsan à l'époque, oui. D'accord. À Mont-de-Marsan, et après, dans ma carrière, j'ai à la fois suivi des cycles de formation et à la fois je me suis intéressé de près auprès de différentes associations, que ce soit l'APESA. Alors l'APESA, c'est une association qui s'occupe, et on est de nombreux à être sentinelles pour l'APESA, de la santé mentale des chefs d'entreprise, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui, aujourd'hui, on connaît les difficultés d'un chef d'entreprise en France avec la dure loi et la pression fiscale qu'ils peuvent avoir. Ils ont besoin quelquefois d'être accompagnés mentalement. Et donc, on est certains être sentinelles à pouvoir accompagner ou orienter, puisque nous ne sommes pas des professionnels de santé, diriger ces chefs d'entreprise vers des accompagnements. Des accompagnants, pardon, pour pouvoir continuer à avancer et pas se casser la gueule. Alors concrètement, ça se passe comment? Parce qu'un chef d'entreprise qui va pas très bien, hein, on va le dire de cette manière-là, s'il est tout seul dans son coin, comment il fait pour rentrer en contact avec l'APESA? Quel est le process? Alors souvent, c'est pas le chef d'entreprise qui va venir directement. Ouais. On se rend compte que les gens qui ont pu pratiquer et passer les premiers secours en soins mentaux, il y a des techniques pour apprendre à décrypter des défaillances, pas des défaillances, mais des mal-êtres dans l'entreprise ou envers la personne qui font que ça va pas bien, quoi. Il y a un truc qui cloche. L'idée, c'est de lui tendre la main, tout simplement, et de lui dire, écoute, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'en parler... il y a des gens qui sont là pour t'aider. Alors on s'appuie aussi certaines fois beaucoup même sur les experts comptables, parce que les experts comptables ou les commissaires en compte ont bon nombre d'entreprises forcément autour d'eux. Et certains ont réalisé vraiment que c'était important d'être là. Et par le biais des experts comptables, quelquefois on a des demandes d'experts comptables qui nous disent on a l'impression que peut-être que dans cette entreprise là il serait peut-être bon d'aller faire peut-être quelquefois ça passe juste par un café dans l'entreprise et de pouvoir discuter et dire on s'intéresse à la santé mentale et puis les questions viennent et puis on s'aperçoit que finalement derrière il y a un peu de boulot à faire, quoi. D'accord. Et tu as été confronté à beaucoup de cas? Ouais, c'est arrivé, bien sûr, c'est arrivé. Et après, moi, je, encore une fois, je suis pas un professionnel de santé. Oui. Je n'ai qu'un rôle de sentinelle, et je trouve ça tellement important. Mais ça a été aussi dans le milieu sportif, de sportifs notamment après des blessures qui ont eu un peu du mal à revenir. Et puis des militaires par les maisons Athos à Bordeaux, qui sont des militaires qui sont post-trauma, donc qui sont plus dans l'armée, qui sont des militaires qui ont été blessés de guerre, physiques ou psychologiques, qu'il a fallu aider, accompagner, de façon à ce qu'ils retrouvent un petit peu de la force et de l'envie de se battre. L'envie de se battre contre, ben, quelquefois un handicap physique, mais quelquefois avec des grosses faiblesses mentales liées au traumatisme qu'ils avaient pu avoir sur le terrain. Et là-dessus, il y a vraiment un gros, gros boulot qui est fait par la maison Athos et par des officiers. Je sais qu'ici, à Bayonne, le chef de corps du 1er RPMA est très présent et très à l'écoute aussi de ces hommes qui sont sur le terrain et qui donnent leur vie à la France. Très bien, très bien. Et pour en revenir à la PESA, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait devenir sentinelle, à qui il doit s'adresser ? Eh bien, à la PESA, hein, il y a un site internet, il y a sur LinkedIn aussi, on peut joindre Jean-Luc, qui est le patron de la PESA, il y a aussi des permanents, il y a un permanent à Bayonne de la PESA, qui s'appelle Monsieur Sajous, et qu'on peut joindre, hein, qui voilà, il y a un numéro, on peut lui envoyer un message, ben voilà, on constate que, quelquefois, c'est arrivé une fois, que ce soit des salariés qui ont trouvé que leur patron n'allait pas bien. Et le contact s'est fait assez rapidement et le gars, enfin le chef d'entreprise a vraiment accepté tout de suite de pouvoir mettre des choses en place parce qu'il s'est aperçu que non seulement dans son milieu professionnel ça allait pas, mais ça n'allait plus non plus dans le milieu familial. Et ça c'était difficile à gérer, quoi. Très bien. Non, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas connaissance de ce système. Et c'est toujours bien d'avoir cette information-là. Et je pense qu'on mettra d'ailleurs les coordonnées en commentaire sur ce podcast. Bien sûr. Voilà. En tout cas, APESA, APESA. Oui, c'est ça. Voilà, donc dans n'importe quel moteur de recherche, sans citer de nom, on doit pouvoir le trouver facilement. Ouais, et puis après, il y avait tout aussi cette partie des familles sur le. On est pas mal certains à accompagner des jeunes autistes ou des enfants en situation de handicap. Oui. Et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait aussi aider ces familles aidantes. Qui étaient souvent en difficulté avec ces enfants-là. Avec ces enfants, ce n'est pas tous des enfants, hein, ce sont des jeunes adultes aussi, quelquefois. Et de se dire comment on peut aussi avancer. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça commence un petit peu aujourd'hui. Il y a un gros boulot qui est fait par Charlotte Camus à l'hôpital de Bayonne sur la partie santé mentale et pour qu'il y ait de la veille aussi, hein, pour ces familles-là, mais pas que. Parce que les enfants sont souvent, eux, pour le coup, accompagnés dans des structures et des structures qui sont assez efficaces. Et je pense qu'on pourra recevoir très prochainement une professionnelle de santé, d'ailleurs, qui gère des enfants comme ça et qui pourra vous exprimer un petit peu comment eux gèrent ça en interne. Maintenant, c'est vrai que les familles sont souvent un petit peu laisser elles-mêmes et il existe malheureusement pas encore de structure pour faire en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent et peut-être qu'ils trouvent des idées, des moyens d'aller mieux. Oui. Oui, on en revient toujours de manière globale au lien social qui s'est quelque peu perdu au cours de ces dernières années. Et donc ça fait pas mal de choses. Ouais. La PESA, Athos, sur l'autisme. L'autisme, c'est un sujet qui a l'air de... Oui, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Ouais. Parce que je me suis intéressé à l'autisme en me disant... En fait, c'est assez rigolo, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait un autiste, quelque part, il venait vers moi. Alors, je ne dis pas que je suis un aimant autiste, pas du tout, mais en revanche, ça m'a un petit peu interpellé. Et en parlant avec des professionnels de santé, j'ai pu accéder à des formations, des découvertes liées à l'accompagnement d'autistes, notamment sur ce qui était santé, sexualité et hygiène. Et de comprendre un petit peu comment on pouvait leur faire passer des messages importants et les libérer de certains aliénages qu'ils ont par rapport à cette difficulté énorme qu'ils ont à communiquer, bien sûr, mais surtout à vivre leur vie de façon normale et normalement comme on la vit tous. Mmh, très bien. Ça fait beaucoup de sujets intéressants qui en plus pourront être développés avec d'autres personnes, chacune spécialisée dans leur domaine. C'est aussi le rôle, la petite mission que s'est donné Radio Côte Basque de donner la parole à tout le monde pour évoquer l'ensemble des sujets qui tiennent à cœur à chacun, aussi divers que variés. Autre chose à... Non, bah en tout cas, merci vraiment d'ouvrir le micro et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse peut-être, effectivement, et moi je suis vraiment prêt à vous aider là-dessus, hein, de faire venir des professionnels pour parler de la santé mentale et puis de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourra, peut-être qui nous mèneront plus loin sur certaines découvertes, et ça c'est trop, très très intéressant. Et moi je suis personnellement ravi qu'il y ait une nouvelle radio dans cet univers de la Côte Basque et qui puisse un petit peu relancer Radio Côte Basque, parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que Radio Côte Basque a existé il y a... Il y a existé il y a fort longtemps, je ne savais même pas, c'est en déposant le nom, pour être plus précis, en cherchant, je ne trouvais rien, et à force je suis tombé sur un seul article, comme quoi, et ça m'a été confirmé par d'autres personnes locales, où il y a eu un Radio Côte Basque, mais c'était... dans les années 1960. Voilà. Et qui a été, même si je ne m'abuse, une antenne de... qui aurait été une antenne de Radio France, je parle au conditionnel, ouais, parce qu'on me l'a expliqué, mais je ne me rappelle pas de tout. Mais voilà, en tout cas, c'est... maintenant, c'est sur les ondes, sur une web radio, nouvelle génération, puisque c'est... il y a eu beaucoup de performances techniques à ce niveau-là. Au début, les web radios, c'était un petit peu compliqué pour les écouter. Là, maintenant, il y a des systèmes beaucoup plus adaptés. C'est en tout cas, bravo, hein, Alain. Je crois qu'au départ, c'est pas votre métier. Vous avez passé des années dans l'hôtellerie de plein air, il me semble. Tout à fait. Pourquoi alors être venu tout d'un coup, redevenu, parce que je crois que vous avez été animateur radio redevenu, il y a des années. Voilà, exactement. Je suis revenu à mes premiers amours. Voilà, quand j'étais tout jeune, j'ai effectivement été dans animateur dans plusieurs radios du coin, ici. Voilà, et maintenant que je suis fraîchement à la retraite, ben je me suis dit, je vais me reconsacrer à... parce que je voulais en faire mon métier à la base. Voilà. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai bifurqué dans d'autres voies. Et je trouve intéressant de... Ben c'est une question aussi de redonner du lien. Voilà, du lien. Alors, il y a certaines radios qui le font très bien, mais c'est pour sortir, pour donner une autre possibilité, pour pouvoir donner la parole à tout le monde. À tout le monde de venir s'exprimer sur plein de sujets. Voilà. C'est chouette. Une partie, je crois aussi, qui vous est assez chère sur la partie culture, puisqu'on a échangé tout à l'heure hors plateau, hors studio, sur la partie théâtre. Tout à fait. Je crois que vous êtes un homme de théâtre, quelque part. Alors, je suis un homme de l'ombre du théâtre. Ouais, voilà. Quand même de l'ombre. Y a-t-il vraiment de l'ombre dans le théâtre? Non, mais bon, disons que j'interviens dans tout ce qui est en backstage. Voilà. Mais après, oui, effectivement, puisque avant de s'appeler Radio Côte Basque, il était prévu de faire Radio Spectacle, qui fera partie intégrante de Radio Côte Basque et qui, par la suite, sera la deuxième radio en vigueur. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler certainement assez vite. Donc vous prévoyez peut-être de recevoir des compagnies, de recevoir des comédiens, comédiennes pour venir... Beaucoup d'artistes, oui. Beaucoup d'artistes, ça c'est très chouette aussi, parce que à ma connaissance, il n'y a pas dans l'environnement direct ici sur la côte de radio qui puisse donner des créneaux vraiment réguliers à ce type d'activité. Oui. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, parce qu'on se dit souvent, les artistes, les jeunes artistes, ceux qui sont en train de créer, qui ne sont pas encore très, très, très connus, ils ont quand même ils travaillent énormément pour créer, pour écrire, et ils sont souvent pas très bien reconnus, ils ont du mal à être entendus, à trouver des scènes, à trouver des moments, des salles de répétition, et c'est chouette que vous puissiez prendre le relais et de les accompagner là-dessus. C'est vraiment... On essaye, il faut toujours avoir donné l'opportunité de proposer un petit tremplin, et il faut se rappeler que tous les artistes connus sont passés par des toutes petites salles à jouer devant 2-3 personnes, et puis ils ont eu l'opportunité de trouver des personnes qui veulent juste les mettre en lumière à eux, voilà, en leur donnant des petites opportunités et ça fait avancer les choses. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc on recevra de nombreux artistes locaux, mais pas que. Voilà. On donnera la parole également à des artistes qui viennent d'ailleurs que la Côte Basque, mais qui viendront se produire, parce qu'il y en a de plus en plus, qui viennent se produire ici sur la côte. Ben, c'est très chouette, en tout cas. Merci pour eux, parce que c'est bien aussi hein, de pouvoir les accompagner, là, tous ces jeunes qui bossent beaucoup et qui méritent vraiment à ce qu'on s'intéresse à leurs écritures et à leur jeu de scène. C'est vraiment beau. Eh bien, merci beaucoup. Donc, si certains justement veulent entrer en contact, que ce soit artiste ou autre, radiocotebasque@gmail.com et on vous répondra et on vous contactera directement. Et les studios sont ouverts. Bruno, merci beaucoup. Merci Alain et à très bientôt sur les ondes. Certainement.